scroll ma gueule ça. La recette est dans le gâteau, donc là ce qu'on a goûté. Comme j'ai goûté les caniveaux, j'ai choisi la bonne plaque d'égout. Je veux plus voir de goûteuses d'images, j'emmerde mes numéros d'écrou. J'suis cru et j't'ai cloué, un nouvel arrivage de frais. Un nouvel arrivage de frais, c'est fruité, j't'ai pas prêt. Une instru, j'rends tout juteux, va faire le parrain, t'es paresseux. Tu parles pour rien, personne te craint, perso j'te baise et j'fais mon bise. Trop de putes te font la bise, Pancani trouve ça bizarre. Un nouvel arrivage de frais, c'est fruité, j't'ai pas prêt. Une instru, j'rends tout juteux, va faire le parrain, t'es paresseux. Tu parles pour rien, personne te craint, perso j'te baise et j'fais mon bise. Font la bise, Pancani il trouve ça bizarre. Frérot, y'a pas de hasard, ça pue le vécu, ça sent le placard. La squale t'éclate son spliff, des anciens pif dedans. C'est rien, elle grosse et blessant, j't'ai blessé, c'est pas ma faute. Frérot, c'est toi le fautif, c'est toi qui vois, c'est toi qui sniff. Un quartier a des indiques, mais c'est comme ça, gros, faut du bif. Le kef arrivera qui m'a, y'aura qui m'a pour t'assurer, t'as plus ton pote, la baisera. Tu pètes les plombs, t'écoutes Luna, ça et tu bois, tu te pètes les reins. T'as pris des coups, tu fais le malin, t'es un mytho, mais t'es marrant. Et tu m'arranges parce que je m'ennuie, j'aime l'inconnu, j'suis comme Rémi, mais à part ça, j'ai ma famille. Fumer t'es un bouffon, est-ce que tu dis c'est pas fameux. Tu ferais mieux de la fermer, te faire tout petit au lieu de frémer. Je me répète, je parle mes victoires comme mes défaites. Souvent été déçu, comme souvent j'ai crié plus. Tout petit la squale n'avait qu'un pull, tout petit les poules et je l'ai grillé. Je suis pas une poule mouillée, ma gueule j'ai mouillé le maillot. Un nouvel arrivage de frais, c'est fruité, j'étais pas prêt. Une instru, je rends tout juteux, va faire le parrain, t'es paresseux. Tu parles pour rien, personne te craint, perso je te baise et je fais mon bise. Trop de putes te font la bise, Pancani trouve ça bizarre. Un nouvel arrivage de frais, c'est fruité, j'étais pas prêt. Une instru, je rends tout juteux, va faire le parrain, t'es paresseux. Tu parles pour rien, personne te craint, perso je te baise et je fais mon bise. Trop de putes te font la bise, Pancani trouve ça bizarre. Bizarre, gros. La scroll, sale. Ah, dimanche prochain, la vie. Sale, ma gueule.